Chapitre 11. Le brouillard se dissipe. Arrivée d'André et de Julien sur la terre française. Quand on a été séparé de sa patrie, on comprend mieux encore combien elle vous est chère. Peu à peu, la douce tranquillité du sommeil de Julien sembla gagner André lui aussi. Dans l'immobilité qu'il gardait pour ne pas éveiller l'enfant, il sentit ses yeux s'apesantir par la fatigue. Il eut beau lutter avec fermeté contre le sommeil, malgré lui, ses paupières se fermèrent à demi. Après un temps assez long, comme il était à moitié plongé dans une sorte de rêve, il lui sembla, à travers ses paupières demi-closes, apercevoir une faible clarté. Il tressaillit et, secouant par un dernier effort le sommeil qui l'envahissait, il ouvrit les yeux tout grands. Le brouillard était encore autour de lui, mais il était devenu à demi lumineux. De pâles rayons pénétraient à travers la brume. La lune venait de se lever. Bientôt la brume elle-même devint moins épaisse. Elle se dissipa comme un mauvais rêve. À travers chacune des branches du vieux sapin, les étoiles brillantes se montrèrent dans toute leur splendeur. Et à peu de distance, la vieille tour qu'André avait tant cherchée se dressa devant lui, inondée de lumière. Le cœur d'André battit de joie. Il serra son jeune frère dans ses bras. « Réveille-toi, mon Julien, s'écria-t-il. Regarde, le brouillard et l'obscurité sont dissipés. Nous allons pouvoir enfin repartir. » Julien ouvrit les yeux. En voyant le ciel lumineux, il se mit à sourire naïvement. Et frappant ses petites mains l'une contre l'autre, il sauta de plaisir. « Que Dieu est bon, dit-il, et que la montagne est belle à présent, que la voilà toute éclairée par ces jolis rayons de lune. Ah, voici la vieille tour. André, nous n'avons pas perdu la bonne route, partons vite. » Aussitôt, on refit les paquets de voyage. Cette gaie lumière avait fait oublier les fatigues précédentes. Les deux enfants reprirent allègrement leur bâton. Tout en marchant, on mangea une petite croûte de pain. Et on se rafraîchit en partageant une pomme que la mère Étienne avait mise dans la poche de Julien. Les enfants continuèrent à marcher courageusement tout le reste de la nuit, et aussi vite qu'ils pouvaient. Le ciel était si lumineux que la route était devenue facile à reconnaître. Leur seule préoccupation était à présent d'échapper aux surveillants de la frontière, jusqu'à ce qu'on eût franchi le col de la montagne, qui sépare en cet endroit la France des pays devenus allemands. Les jeunes voyageurs s'avançaient avec attention, sans bruit, passant comme des ombres à travers ce pays boisé. Ce fut vers le matin qu'ils atteignirent enfin le col. Alors, se trouvant sur l'autre versant de la montagne, les deux enfants virent tout à coup s'étendre à leurs pieds les campagnes françaises, éclairées par les premières lueurs de l'aurore. C'était là ce pays aimé, vers lequel ils s'étaient dirigés au prix de tant d'efforts. Le cœur ému, songeant qu'ils étaient enfin sur le sol de la France et que le vœu de leur père était accompli, ils s'agenouillèrent pieusement sur cette terre de la patrie qu'ils venaient de conquérir par leur courage et leur volonté persévérante. Ils élevèrent leur âme vers le ciel et tout bas, remerciant Dieu, ils murmurèrent « France aimée, nous sommes tes fils et nous voulons toute notre vie rester dignes de toi. » Lorsque le soleil parut, empourprant les cimes des Vosges, ils étaient déjà loin de la frontière, hors de tout danger, et se tenant toujours par la main, ils marchaient joyeusement sur une route française, marquant le pas comme de jeunes conscrits. Col des Vosges. Un col est un passage étroit entre deux montagnes. Quand on arrive au haut d'un col, on aperçoit derrière soi le versant de la montagne qu'on vient de gravir, et devant soi celui qu'on va redescendre.